Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur Play FM 89.9 avec l'émission Bricabracaïdé. Je vous salue tous. Globalement, je vous saluerai tout à l'heure, mais je voudrais vous dire que nous avons des repas à gagner au break. 4 repas. Donc, ce que vous allez faire maintenant, si ça vous intéresse, vous mettez un petit mot sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et les premiers arrivés seront les premiers servis. Le break, ce soir, il y a un karaoké, je voulais vous le souligner. C'est un endroit charmant. On y est allé, n'est-ce pas Linda? Oui, hein? C'était très bon. Très bien. Et après, nous avons 4 places pour le concert acoustique à Monteux qui va être le vendredi 10 février. Donc, vous faites de même. Vous allez sur notre page Facebook et vous donnez votre numéro de téléphone. Et on a 2 places à gagner pour le Théâtre du Sablier. C'est samedi à 20h30 et dimanche à 17h. 17h. Théâtre du Sablier à Orange. À Orange. Et nous, c'est un genre de spectacle avec de la musique. Et voilà, si vous voulez, ça vous intéresse. C'est volontiers. Bon, maintenant, je vais faire le tour de la table. Oui, parce qu'on donc, est nombreux. Nous avons une nouvelle chroniqueuse, Linda. Bonjour, Linda. Bonjour. Elle va venir une fois par mois nous parler santé, bien-être. Il y a notre Josie qui va nous parler d'un film. Voilà. Alain d'un livre qui va nous donner envie de lire. Monique qui va nous emmener sur les chemins en courant. Exactement. Voilà. Bonjour tout le monde. Et voilà notre invitée, c'est Linda qui va la présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Catherine Béard. Catherine qui est accompagnatrice psychocorporelle, olfactologue depuis plus de 15 ans. Moi, bonjour, je préfère que ce soit toi qui l'ai dit, moi, j'arrive pas. Olfactologue. Voilà, c'est bien. Donc, bonjour Catherine. Donc, pour Linda. Les moins connus, donc olfactologie, ça a à voir avec les huiles essentielles. Exactement. Alors, l'olfactologie, en fait, c'est une discipline de l'aromathérapie. Voilà. On m'entend mieux ? Plus près. Alors, l'olfactologie, c'est une sous-discipline de l'aromathérapie, en fait, de l'aromatologie, parce que vous allez voir qu'il y a des termes qu'on peut utiliser déontologiquement et d'autres pas. Entre autres, quand on parle d'olfactothérapie ou d'aromathérapie, en fait, il faut être médecin. Voilà, parce qu'il y a le mot thérapie à côté. Pour autant, j'ai ces diplômes-là, mais je n'ai pas vraiment le droit de les utiliser puisque je ne suis pas médecin. À la base, j'ai fait des études de naturopathie et puis j'ai découvert les huiles essentielles avec Dominique Baudou. Et je suis tombée littéralement amoureuse de ces huiles et de la technique et du produit, des accompagnatrices qu'elles sont, qui sont merveilleuses. Puis j'ai continué en olfactologie avec... En olfactothérapie, exactement, avec Gilles Fournil, qui est le papa de l'olfactothérapie. Et donc, j'ai fait mes études avec eux. Et puis, tout ça accumulé, je suis quelqu'un qui pratique tout de suite, c'est-à-dire qui n'attend pas d'avoir le diplôme et que ce soit parfait. Moi, j'aime pratiquer tout de suite, passer à l'action tout de suite. Et je viens du monde, en fait, de l'esthétique. Vous allez comprendre, vous allez faire le lien. Je viens du monde de l'esthétique, puisque j'avais passé, il y a de nombreuses années, quand j'étais très jeune, un CAP d'esthétique et de cosmétique. Et j'ai été formée par des kinés professionnels, donc au niveau des soins du corps et du massage. Donc les huiles essentielles, pour moi, ça a été une évidence de les passer à travers le massage. Et puis quand on touche quelqu'un, bien, il se passe quelque chose... Voilà, il y a des émotions qui émergent, les gens se confient. Et je n'avais pas envie de faire de la psychologie de comptoir. Et donc, j'ai décidé de poursuivre dans ce domaine-là. Et j'ai fait une rencontre. C'est toujours des histoires de rencontres, en fait, finalement, dans ma vie. Mais de belles rencontres. J'ai rencontré Claude Imbert, qui était un sophroanalyste et qui avait une école, qui avait fondé l'Institut européen de sophroanalyse. Et qui, elle, à l'époque, travaillait sur les mémoires de la vie intra-utérine. Donc, j'ai commencé avec elle, et puis j'ai continué avec la personne qui a repris l'Institut, et qui, elle, a donné une dynamique beaucoup plus psychocorporelle. D'où le terme que je préfère employer aujourd'hui, c'est d'être donc une accompagnatrice psychocorporelle olfactologue. Pourquoi ? Parce que dans ma façon de travailler, et dans ma façon d'être avec les gens que je reçois, eh bien... Je vais utiliser ou pas les huiles essentielles d'un point de vue psycho-émotionnel. Donc je vais les accompagner parce que les huiles essentielles elles ont certaines propriétés. Hein, ce sont des concentrés biochimiques. concentrés moléculaires, ce sont des produits qui sont vivants et qui vont avoir des propriétés très spécifiques qui vont pouvoir nous soigner d'un point de vue physiologique. Et puis, au niveau de notre psyché, elles vont aussi avoir des propriétés qui sont très très intéressantes et donc qui vont pouvoir bien, dans certains cas, travailler sur le stress, hein, nous permettre de nous calmer. De nous calmer, exactement, ou de dynamiser certaines personnes, parce qu'il y a des personnes, elles ont besoin d'être dynamisées aussi. Et en fonction de l'utilisation de ces huiles, et là, c'est important d'apprendre à utiliser ces huiles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec elles, eh bien, je vais pouvoir utiliser ces huiles, soit par le biais du massage, soit par le biais purement de l'olfaction, en fait, pour accompagner. Catherine, je crois qu'on va faire une petite pause. D'accord. Et on se reconnaîtra la suite pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de toutes voilà. ces huiles. Fly FM, le meilleur des huiles. Bonjour sur Fly FM 89.9 avec toute notre équipe. Et Linda qui est là aujourd'hui, qui est avec plaisir, je te reçois. Et nous te recevons. Merci. Et je crois qu'on va continuer avec Catherine et les huiles essentielles qui est sophro-analyste et aromathérapeute. J'ai envie de te demander, Catherine, vous voyez ? Oui, bien sûr. On sait tous que les huiles essentielles sont en vente libre et un peu de partout. Comment ne pas se tromper et comment bien choisir notre huile essentielle ? Ah, c'est une grande question, ça. Alors déjà, moi, ce que je déplore dans les pharmacies ou dans les magasins bio, c'est que les huiles essentielles, on ne peut pas les tester parce qu'il n'y a pas de testeur. Et normalement, on devrait pouvoir les sentir. Ça, c'est très important parce que je crois qu'il faut qu'on puisse aussi se fier à ce que l'on ressent quand on utilise une huile essentielle, même pour se soigner. C'est très important. Et le fait de la sentir, si on vous donne une huile essentielle, allez, je vais dire n'importe quoi, eucalyptus, globulus, pour respirer, pour travailler sur la sphère pulmonaire, etc. D'abord, on ne va pas vous la prescrire comme ça, mais si on vous dit, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Elle est très particulière, l'eucalyptus globulus. Moi, c'est une huile que j'aime beaucoup, mais elle est très caverneuse. Et il y a des gens qui ne vont pas la supporter. Et c'est très intéressant. Elle est forte. Elle est très forte. Et c'est une des raisons pour lesquelles, j'ai envie de dire, la personne va aller vers une huile qui va lui convenir. Elle ira peut-être naturellement vers une huile d'eucalyptus radiata, qui est beaucoup plus fleurie, beaucoup plus, plus fine, et qui va travailler peut-être plus sur les sphères hautes, mais c'est peut-être ce dont elle a besoin à ce moment-là. D'accord ? Donc c'est pour ça, pour moi, c'est important d'abord d'apprendre à les utiliser. Alors c'est vrai que parfois, à mon grand dam, dans certaines pharmacies, et je l'ai remarqué parce que j'ai fait des formations dans les pharmaciens ne sont pas toujours formés aux huiles essentielles. Alors aujourd'hui, bon, je fais attention à ce que je dis, aujourd'hui, les laboratoires, les gens qui vendent des huiles essentielles proposent des formations, mais elles sont très courtes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que chaque personne qui a envie d'utiliser une huile essentielle apprenne au moins les règles de base pour ne pas faire de bêtises. Parce que ces petits flacons qui ont l'air de rien, ce sont des bombes atomiques. C'est-à-dire qu'elles sont des concentrés extrêmement puissants qui vont agir sur votre santé, qui vont agir sur votre psychisme. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. Donc moi, je conseille aux gens de faire, allez, même une journée ou une demi-journée d'atelier avec quelqu'un qui va les former, qui va leur apprendre à utiliser ces huiles essentielles. Justement, Catherine, excuse-moi, où c'est qu'on peut apprendre à manipuler ces huiles qui peuvent être un peu dangereuses? Alors, aujourd'hui, bon, moi, je pratique aussi, je propose des ateliers pour former les gens et pour simplement même, je dirais, au grand public d'apprendre à les utiliser. Il y a d'autres personnes, d'autres aromatologues qui proposent des formations. Donc là, il faut regarder un petit peu, j'ai envie de dire, sur Google, de voir un peu ce qui se présente, de ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte qu'en ce moment, par exemple, sur Facebook, il y a une grande publicité, je ne dirais pas pour qui, d'une soi-disant école qui propose des formations vidéo à un prix imbattable. Mais moi, je trouve ça très succinct et très léger. C'est-à-dire qu'on a besoin de poser des questions, on a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi, on a besoin de tester le produit. Et ça, c'est important. Et en même temps, je pense qu'on peut les employer en massage. Oui, on peut les utiliser en massage. On peut aussi les diffuser. Et je pense qu'il y a quand même des petits détails à ne pas négliger. Voilà. Alors c'est pareil. Il y a des diffuseurs et des diffuseurs, je suppose. Alors, par rapport au massage, c'est pareil. Déjà, on va les diluer dans une huile végétale, parce que c'est important, s'il y a des huiles qu'on ne peut pas mettre pures sur la peau. Et puis quand on ne sait pas les manipuler, il vaut mieux les diluer. Et là, c'est pareil. En fonction de l'huile essentielle, il y a des huiles qu'il va falloir diluer un certain pourcentage. Et diluer avec quoi ? Une huile végétale, comme de l'huile d'amande douce, du jojoba, du noyau d'aperthuis. Oui, du millepertuis pour son côté anti-inflammatoire. Il y a plein d'huiles végétales. C'est pareil, les huiles végétales, il faut apprendre un petit peu à les manipuler aussi. Elles ont des propriétés très intéressantes au niveau physiologique. Et alors, au niveau des diffuseurs ? Alors, au niveau des diffuseurs, moi, ce que je vous dirai la suite tout à l'heure. Très bien, Catherine. Une petite pause, Linda, elle est bien dans son métier, dans son job. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. FM 89.9. Aujourd'hui, nous recevons Linda, notre nouvelle chroniqueuse santé bien-être, et qui reçoit aujourd'hui Catherine Béard, qui nous parle des huiles essentielles. Donc, on revient vers les diffuseurs, parce que c'était là qu'on était resté. Et oui, il y a... Donc, il y a des choses à faire et pas faire. Eh oui. Alors, les diffuseurs, ce qui est très important, c'est de ne jamais prendre des diffuseurs où l'on chauffe l'huile essentielle. Ça, vous êtes gentil, vous jetez vos diffuseurs où il y a une petite bougie en dessous, ou les coupelles qui chauffent parce que l'huile va rester en stagnation sur la coupelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont tous des oxydes de carbone que vous allez respirer. Et je ne vois pas trop l'intérêt de respirer des oxydes de carbone. Vous n'avez qu'à sortir dans la rue pour ça. Oui, derrière voilà. Les voitures. Hein? Donc l'intérêt d'une huile essentielle, si on a envie qu'elle ait vraiment un pouvoir thérapeutique et de bien-être aussi pour assainir une pièce, tout simplement, par exemple en période de grippe, de diffuser certaines huiles comme du ravintsara, comme du pain sylvestre, associées à des agrumes, voilà, pour que ce soit plus sympathique aussi. Eh bien, on va les mettre purs dans ce qu'on appelle des diffuseurs en verre. Ce sont des petites verrines, hein, comme des petits flacons. Et le principe, c'est que l'huile essentielle que l'on va brancher, donc c'est des diffuseurs, la base est électrique. Et en fait, les huiles vont être micronisées. Hein. Les principes actifs de l'huile essentielle vont être micronisés et donc vont se diffuser dans l'atmosphère. Et ce sont ces micronisations de l'huile essentielle que vous allez respirer. Donc, elles vont avoir tout un effet thérapeutique, puisque c'est les propriétés qui sont adaptées, je dirais, aux besoins ambiants et aux besoins physiologiques, qui va donc pouvoir vous soigner. Et est-ce qu'on a besoin de brancher ce diffuseur toute une nuit, toute une journée? Surtout pas, surtout pas. En fait, il suffit de le brancher, allez, 2-3 fois dans la journée, entre 5 et 10 minutes. On n'a pas besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'après, l'atmosphère va se saturer. Et il n'y aura plus aucun intérêt à respirer. Et puis vous ne respirerez plus rien, quoi, au bout d'un moment. Vous ne sentirez plus. Ce qui est intéressant, c'est de diffuser 5-10 minutes Et le soir, quand on va aller se coucher une demi-heure avant, c'est par exemple de diffuser une huile essentielle apaisante, style lavande vraie, orange douce, enfin des huiles qui vont vous apaiser, qui vont vous permettre d'avoir un sommeil plus calme, d'accord ? Et surtout, vous débranchez votre diffuseur. Hein. On ne diffuse jamais toute la nuit un diffuseur. Et ce qui est très important aussi, c'est que les huiles essentielles, même quand vous les diffusez, par exemple dans la chambre d'un enfant, vous allez le faire en dehors de sa présence. Les huiles essentielles, on peut commencer à les utiliser vraiment, sans trop de risques, à partir de 6-7 ans. Donc, il y a quand même des dangers et qu'on n'exprime pas souvent. Alors, des dangers, comme avec tout produit, hein, même avec l'eau, vous avez des dangers aujourd'hui. J'ai envie de dire, il y a des précautions à prendre. Voilà, je préfère parler de précautions. Et c'est pour ça que je dis, c'est très important d'apprendre à les utiliser sous différentes formes. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est justement la diffusion par le biais du massage, par le biais de l'olfaction. Il y a plein d'autres possibilité, mais là, c'est un thérapeute qui va vous conseiller de les utiliser par voie interne, par voie rectale, etc. Mais là, c'est un thérapeute qui va vous faire une ordonnance. C'est un olfactothérapeute qui connaît bien son produit, qui est médecin à la base et qui va aussi vous donner bien une ordonnance, finalement, avec un dosage très, très précis. On ne fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît, avec les huiles essentielles. On apprend à les utiliser. Venez me voir. Tout à fait. Linda, je crois qu'il y a une huile essentielle qui est, vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, qu'il faut faire très attention. Ah oui, bon, il y en a plusieurs, mais entre autres, vous avez la menthe poivrée, par exemple. La menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va agir sur notre respiration. Elles agissent toutes sur notre système respiratoire, mais celle-là en particulier. Et surtout, elle va éclaircir notre mental, d'une certaine manière. Par contre, c'est une coquine, parce qu'elle a l'effet qui se coule. On dit la suite après ? Ok, on fait une petite pause. On revient avec les huiles essentielles. Fly FM. Le meilleur des hits. Soleil. Respirar revient sur Fly FM avec Catherine Béard qui nous donnait tout à l'heure un conseil sur la menthe poivrée. Et apparemment, il faut l'utiliser avec parcimonie. Fin... Et à bon escient. Et à bon escient. Voilà. Alors, la menthe poivrée, elle va agir souvent sur les maux de tête. Mais pas n'importe quel maux de tête. Souvent, les maux de tête qui sont d'origine digestive, par exemple. S'il y a d'autres maux de tête, on peut avoir des maux de tête pour des questions hormonales et autres. Là, on va l'associer avec d'autres huiles essentielles. Mais pure, par exemple, cette huile essentielle, on va l'utiliser à raison d'une goutte. Et quand je dis une goutte, c'est pas deux, c'est pas trois. Parce qu'en fonction du terrain de la personne, eh bien, on peut emmener facilement quelqu'un, soit dans une crise d'épilepsie, soit dans un coma. Ça peut être grave. Voilà, on peut faire n'importe quoi. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée, ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, on va dire, on va la mélanger à plus de 50% d'huile végétale. Pour une goutte, donc on va mettre au moins une dizaine de gouttes d'huile essentielle. On va le mettre par exemple ou dans une cuillère à une quinzaine de gouttes pour une cuillère à café, c'est l'équivalent de 1/2 ml, voilà. Et on va mettre une goutte et on va prendre une petite touche de cette huile qu'on va masser entre ses doigts et on va aller se masser les tempes, loin des yeux. On va aller se masser au niveau de la nuque, l'occiput. Derrière, de l'occiput, le trou occipital, d'accord. On peut en mettre aussi une petite goutte au niveau du plexus, parce qu'elle va aussi nous à la fois nous tonifier, mais nous détendre aussi. Hein. Elles ont tout cet effet positivant et négativant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, ça veut dire qu'elles vont nous donner du dynamisme, ou nous apaiser en fonction du dosage avec lequel on va les utiliser. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, eh bien, il faut apprendre à l'utiliser. On ne fait pas n'importe quoi avec elle. Et on se lave surtout bien les mains après les avoir utilisées. Sinon, on peut avoir quelques surprises à certains moments si on ne l'a pas fait. Donc voilà. Il est clair que vraiment, il faut être prudent avec les huiles essentielles. Et oui, il faut être prudent. Et de préférence, se faire conseiller par un thérapeute, olfactologue, ce qui est votre cas. Voilà, par exemple. Voilà. Par exemple. Et après, une fois de plus, c'est-à-dire qu'en face de nous, on donne tous les conseils, mais en principe, on a des personnes responsables en face de nous, donc qui vont après avoir le choix de les utiliser, soit comme on leur a dit de les utiliser, et c'est très bien, soit de faire des expériences. Et c'est à leur propre risque et péril. En même temps, parfois, on a des expériences. Moi-même, j'en ai faites, hein, et j'en fais encore parfois. Des chutes. On risque pas trop grand-chose quand on utilise une goutte. À la limite, ça va piquer un peu sur la peau si on l'utilise pure. Ça va être un peu désagréable. On va avoir une petite rougeur, mais c'est pas dramatique. Tout va dépendre de ce qu'on va faire avec. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Apprenez, faites des petites sessions, faites des petits ateliers pour apprendre au moins les règles de base et respecter ces règles de base. C'est vraiment très important. Donc, si je ne me trompe pas, vous faites des ateliers par Skype ? Aussi, oui. Et si vous êtes intéressé, profitez d'une séance gratuite de 30 minutes avec Catherine, qui vous donnera déjà quelques bons conseils. Par exemple. Alors, par Skype, vous allez me dire, mais l'olfacto ou l'aroma par Skype, comment vous faites? Parce qu'en principe, on ne sent pas. Alors, généralement, les gens qui viennent vers moi ont déjà un besoin particulier. Non, pas forcément de notion, mais me disent, voilà, j'ai envie d'apprendre ça, ou j'ai envie de travailler avec telle huile, ou qu'est-ce que vous me conseillez? Et dans ces cas-là, j'envoie un kit d'huiles essentielles que j'utilise pour qu'on ait exactement le même produit à respirer ensemble, pour qu'on ait la même référence. Parce que d'un lot à l'autre, d'un producteur à l'autre, d'un laboratoire à l'autre, on peut avoir des différences olfactives. Voilà. Mais après, c'est très, très facile. C'est-à-dire que bon, après, ben, y a l'écran, ok, on est face à face et ça se passe très bien, comme si vous étiez là, en face de moi. Hein, il ne faut pas avoir peur de l'écran. On va faire une petite pause et après, on va continuer. Moi, j'aimerais savoir encore plein de choses. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. So good, so good, so good, so good. You know my love is so good, so good, so good, so good. You know my love is. My love is more potent than anything in the cup that you're holding. One little taste will have you open. Now you want some, you want some. Too strong, no limits. It's not official, so take your time with it. It goes straight to your head, control your mind with it. Hey, no, you want some, you want some. You know I'm the only one that gets you higher. I get you higher, babe. You ain't gotta worry, cause you know I got it. No, I got it, babe. You'll be stuck on it, cause my love's so good. So yeah, keep coming back to get some more. Got you and your feelings all emotional. My love, my love. Put you to sleep, you never leave the house. Hey, I know you want, know you want some. You know I'm the only one that gets you higher, baby. You ain't gotta worry, cause you know I got it, know I got it, baby. You'll be stuck on it, cause my love's so good, so keep coming back to get some more. Got you and your feelings all emotional. For seconds was good, girl. Got me clearing up my schedule, trying to link up. Girl, you know you about to get the thing beat. When I pull up, you know what I came for. Your dollar lead pipe, keep some dope deep for you. Put your body straight to sleep. I got you waking up, thanking me. You'll be stuck on it, cause my love's so good, so good. Keep coming back to get some more. Got you and your feelings all emotional. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Catherine Béard qui nous parle des huiles essentielles et Linda qui va lui poser encore quelques questions. Donc, pour être un peu plus clair, est-ce qu'il y a une différence entre l'olfactologie et l'aromathérapie ? L'aromathérapie, en fait, c'est l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner, pour, je dirais, les utiliser par exemple par le biais du massage, hein, pour le bien-être, par exemple. On peut les utiliser aussi à des fins esthétiques. Donc, c'est plus l'aromathérapie, c'est la globalité de l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner. L'olfactothérapie, eh bien, c'est l'utilisation des huiles essentielles qui vont avoir un impact sur notre sphère psycho-émotionnelle. D'accord ? Donc on va plutôt les utiliser par le biais de l'olfaction. Pourquoi ? Parce que, je vais peut-être vous dire très succinctement comment ça fonctionne. Quand vous respirez, quand vous débouchez un flacon, mais que ce soit d'huile essentielle ou même un flacon de parfum ou n'importe quoi, une bouteille de vin, vous avez des principes moléculaires qui vont être captés par des petits cils vibratiles qui sont dans vos narines, qui vont être ramenés un peu comme aspirés comme un aspirateur au niveau de votre énocéphale, hein, du cerveau du nez, et ensuite elles vont tout de suite faire un voyage dans votre cerveau limbique, c'est-à-dire qu'elles vont complètement suinter la partie analytique. Voilà, on a des petits soucis de micro, toute la partie analytique du néocortex, en fait. Donc, on va partir dans les émotions, directement. Regardez, c'est le principe de la Madeleine de Proust. Quand Proust est chez sa tante, ou prend une tasse de thé avec une petite Madeleine, et d'un seul coup, il est ramené dans le temps à un moment très agréable, qui lui rappelle sa tante, etc. Mais ça vous est déjà arrivé, parfois, de sentir un parfum, et d'un seul coup, d'être propulsé dans le temps, ailleurs, avec quelque chose de très agréable, ou parfois de très désagréable. Moi, j'ai plein de souvenirs comme ça, et je suis sûre qu'autour de cette table, vous avez tous des souvenirs de cette façon-là. Donc, le principe de l'olfaction, c'est ça. Ça nous ramène dans notre cerveau, dans notre partie émotionnelle, et là, il va se passer des choses, c'est-à-dire qu'on va avoir des sensations, des perceptions, va se passer quelque chose au niveau de notre corps, de tous nos sens. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le principe de l'olfactothérapie, c'est qu'on va utiliser l'odeur pour soigner notre passé, hein, tous les problèmes, toutes les limites et les croyances que nous avons eues dans le passé, pour justement se ressentir et se recentrer dans le présent et se soigner, donc être présent à ce que nous sommes, avec notre histoire. Et c'est ça qui est merveilleux. Et les huiles essentielles, ben, l'olfactothérapie, c'est un petit peu ce principe-là. J'ai été très vite, si vous avez envie d'en savoir plus, venez me voir. En même temps, j'ai envie de vous dire que Catherine a écrit 2 livres. Prendre soin de sa beauté intérieure aux éditions du Souffle d'Or et le guide de l'olfactologie chez Albin Michel. Le guide de l'olfactothérapie. Pardon. Et est-ce qu'on les trouve où dans toutes les librairies? Vous les trouvez à la FNAC, vous pouvez les commander, vous les trouvez sur Amazon, voilà. Vous les trouvez partout, voilà, sont à vente libre. Ce n'est pas un produit particulier. Et puis sinon, on peut trouver Catherine à Velleron. Elle reçoit les gens. Et vous pouvez la contacter par le 06 81 36 92 08. Sinon, il y a un site internet. Oui, ça c'est plus facile. www.olfactologie-sur-mesure.com. Voilà. Catherine, je crois que vous êtes aussi spécialiste en sophrologie, non? En sophroanalyse, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cet accompagnement psychocorporel où on va utiliser tous les outils de la sophrologie, style la relaxation, la respiration, la méditation, pour pouvoir aller travailler dans la problématique de la personne, tout en la faisant ressentir au niveau de son corps de ce qui se passe, puisque justement ces émotions vont nous donner des perceptions, que le corps a une mémoire, et qu'à un moment donné du temps, quand on a vécu une situation, eh bien nous avons un peu cristallisé dans notre corps une posture, une mémoire. Et ça va être le travail que je vais avoir à faire avec la personne, c'est de l'amener à ressentir ce qui se passe et à prendre de la distance, donc à se dissocier de ce qui se passe pour pouvoir vivre avec ce qu'elle ressent, mais prendre conscience que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de vivre réellement dans le présent. Donc c'est la ramener tout de suite dans le présent. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Oui. Est-ce que vous voudriez revenir une autre fois? Ah, avec grand plaisir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà. C'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, on va faire une petite pause et on va continuer tout à l'heure avec un livre et un film. Au revoir, Catherine. Fly FM. Ici, les kids sont bonifiés avec le temps. Sa mère au fond de son verre, et ça, quelle que soit l'heure, j'ai vu tellement de feux éteints dans les yeux de Sarah et la peur du lendemain, bien cachée dans sa voix. Alors, pourquoi? Dans ma cuisine, oh Sarah, elle est belle, mais Fly FM 89.9. On vient de laisser Catherine qui est. C'était super intéressant. Et qui a encore des choses à nous dire. Voilà, et qui va revenir, je pense. Mmh. Alain, c'est à toi maintenant. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu me conseilles de lire cette semaine ou dans les mois prochains. C'est un premier roman. Ça s'appelle Le Cri. C'est de Nicolas Beuglet aux éditions XO. Alors, c'est un thriller qui paraît très, très, très dérangeant au début, mais qui est encore beaucoup plus dérangeant quand on arrive à la fin. Alors, dans un hôpital psychiatrique de Gaustadt, là près d'Oslo, à l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé, soi-disant suicidé, mais il s'est suicidé en s'étranglant. C'est déjà bizarre. Hein. Et il a la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah Geringen le sent aussitôt. Cette affaire ne ressemble à aucune autre. Et les énigmes se succèdent. Pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur le front? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule? Parce qu'en plus de ça, ils l'ont changé de cellule. Hein. Bizarre. Pourquoi le personnel de l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné à Gaustadt depuis plus de 30 ans? Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui va la mener à découvrir, en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous, la vie après la mort. Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultra-secrets aux États-Unis, pourrait bien affoler encore plus la question. Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. Alors, c'est un thriller sur la folie des hommes, le danger d'une science dévoyée transformée en arme fatale. C'est un livre qui est récent, enfin, qui est sorti récemment. C'est novembre 2016. Mmh. Ah, donc c'est cette adresse. Oui, oui, quand même assez récent, quoi. Oui, c'est oui, pas oui. Quelque chose que. Oui, c'est ça. Bon, puisqu'on parle de littérature, je voulais vous dire qu'à la Maison des Jeunes et de la Culture à Monteux, il y a une nouveauté. Ils viennent de mettre en place des boîtes à lire. Je trouve que c'est sympa, le principe déposer, prendre ou échanger un livre. Le but, permettre aux petits comme aux grands de partager des livres qu'ils ont aimés et d'en découvrir de nouveaux. Comme ça, on ne s'encombre pas. Je crois qu'il y a le même système à la Roseraie à Carpentras. Exactement, dans le parc de la Roseraie, j'ai pris un livre autrefois. Une boîte verte, très bien. Et ça m'a permis de retrouver, par exemple, des livres, un livre que je cherchais depuis un certain temps. Puis, tombé un miracle dessus, vite, je l'ai embarqué. Quand je l'ai lu, je l'ai ramené, évidemment. Voilà, je trouve que c'était une très bonne initiative, plutôt que de les mettre à la poubelle. Bien sûr, mais enfin, on a quand même la selle à qui on peut amener nos livres. C'est ce que je pensais aussi. Est-ce qu'on a le temps de parler du film? Vas-y. Ah ben moi, j'ai pris un dessin animé, parce que c'est une comédie musicale, un dessin animé, c'est Tous en scène. Doublage de Patrick Bruel avec Jennifer Bartoli pour les voix. Il est sorti le 25 janvier. Il dure 1h48. Vous avez 110 minutes de musique, de reprise, où il y a à peu près 65 chansons qui sont reprises dans ce film de 1940 à nos jours. Donc, de Frank Sinatra. Il y a une chanson aussi qui est pas mal faite, qui s'appelle De Fête. Alors, ça y est, je me mélange un peu les pinceaux. Je crois que c'est Stevie Wonder avec trois personnes qui ont créé ça. C'est apparemment une chanson qui marche bien, qui va bien démarrer. C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées. C'est un film américain qui a été fait en France par une société qui, c'est des studios d'animation Illumination, et qui, entre autres, avait fait Moi, ben, Moche et Méchant et Les Mignons. Alors, c'est l'histoire c'est l'histoire de Buster Moon, qui est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude. L'éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre, et dit « qu'est-ce que je pourrais faire pour le sauver ?» C'est alors qu'il trouve une chance en or pour redorer ce blason. Il fait une compétition mondiale de chant, et 5 candidats sont retenus pour ce défi. Il y a une souris qui est séduisante et malhonnête, un éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par 25 marcassins, mais dis donc, elle doit avoir du poulot, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille, et une porte-épique punk qui peine à se débarrasser de son petit ego, qui est son ami aussi. Sur scène, tout le monde va chanter. Il y a aussi des petites intrigues. Il y a 6 sous-intrigues au niveau des personnages. C'est craquant, il y a de la musique, ça bouge énormément, je pense qu'on ne s'ennuie pas. Ça a fait, comme je dis, énormément d'entrées aux États-Unis. Et voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Il a eu 3 nominations. Après, je laisserai la parole. 3 nominations. Ça a été le meilleur film d'animation au Golden Globe 2017. C'est la meilleure chanson d'animation. C'est ce que je disais, elle s'appelle Fête. F-A-I-T-H, c'est Ryan Tedder et Stevie Wonder et Francis Farewell Starlight, alors je ne connais pas. Et ça a été aussi le meilleur blockbuster. Blockbuster, ça veut dire que succès important, il passe devant tout le monde. Au Choice Award, excusez-moi pour l'anglais, oui, 2017, bah, tant pis. Hein. Oui. Viens avec moi le lundi matin. Voilà. Je pense qu'on va faire une autre pause. Voilà pour un film animation comédie musicale, allez voir en famille. D'accord, merci beaucoup. Merci. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Revenu sur Fly FM 89.9. Donc, il y a une sortie à Monteux dans le cadre de Soif de Culture. C'est Ne dites pas à ma femme que je suis Marseillais. C'est par la compagnie M Productions. Ça a été un succès au Festival d'Avignon en 2016. Ça se passe à la... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça se passe à la salle du Château d'Eau. C'est dimanche, 5 février à 14h30. Voilà. Vous pouvez prendre des billets réduits ou alors vous avancez, vous rapprochez de la mairie. Donc je vous explique l'histoire. Après s'être exilé de longues années de sa ville natale, c'est-à-dire Marseille, François est de retour dans sa ville. Entre-temps, il est devenu directeur des ressources humaines d'une grande entreprise, a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et coincée. Mais ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles, car François a rencontré au détour d'une rue son ami d'enfance Michael, cacou incorrigible, marié à Laurence, une cagole incorrigible. Et celui-ci est resté le même, donc il est toujours cacou. Ces quatre personnages vont se retrouver lors d'une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopinants vont s'enchaîner sans aucun temps mort. C'est la compagnie qu'on avait reçue l'année dernière, les comédiens. Oui. Voilà, je crois que Monique va nous parler de quelques courses. Après, Claudie. Ah, d'accord. Elle n'est pas prête, elle n'est pas encore en tête de course. Elle bon, ben écoutez, moi, je voulais... Je n'ai pas chaussé mes baskets tout à l'heure. Je ne sais pas ce que va en penser Catherine, mais j'ai un salon de la voyance du bien-être créateur. Où ça m'intéresse, moi. En plan de campagne. 4 médiums, 25 exposants, 400 mètres carrés, bien-être, thérapeute, créatrice, exposant. Et une grande première, un stand spécialité Montilienne. Alors Montilienne, je pense que c'est Montélimar. Hein. Le bois cassé et le stand de spécialité Corse. L'entrée est libre, le parking est gratuit. C'est du 3 au 5 février. À plan de campagne. Voilà, c'est route de Calas, départementale 543, oui. Resto Club Plan. Poutine d'or. Calas, c'est un centre d'entraînement des chevaux de course. Voilà, c'est de 10h à 19h. Ah, il y a la pause. Allez, on fait la pause. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. It's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep in. Sur Fly FM 89.9, on a fait le livre, on a fait le film. Claudie, est-ce que on a les sorties de Monique? Monique, ça chose, c'était. Elle est prête. Allez. Ça y est, je suis prête, j'ai chaussé les baskets. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Ce dimanche 5 février, vous avez le trail de Fontaine de Vaucluse, de distance, à 9h le 24 km, à 10h le 13 km. Le dimanche 19 février, vous avez l'Urban Trail Nîmes. Un 10, un 18 et un 27 km. Alors, une urban trail, c'est quoi exactement? Ben, vous allez à l'Assaut des Arènes, la Tour Magne, les Garrigues et les souterrains illuminés. C'est également la journée du patrimoine en basket. Et en parapluie. Le 19, on aura beau temps. Ah non, je parle ce week-end. Non, vous inquiétez pas. Là, je passe maintenant au plan. On s'inquiète pas. Je passe au VTT. Elles sont terribles. Le dimanche 5 février, vous avez la 15e ronde des côtes à des Costes, pardon, à Pélissane, c'est dans le département du 13. Vous avez dans le département du Gard la Natura VTT, la 11e édition, à Saint-Laurent, la Vernède. Ça, c'est, j'ai trouvé ce qui est de plus près. Hein. Le dimanche 19 février, rando VTT du Petit Luberon à Mérindol. C'est quatre parcours entre Mérindol et la Combe de Lourmarin. J'ai regardé les photos. Ça va être beau, ça. Magnifique. Oui, non, madame, bon, une belle région. Voilà. Il y a également ce jour-là à la, au Petit Liberon deux parcours de course à pied avec allure libre, dissociés des parcours VTT. Vous avez un 10 km, un 29 km avec un c'est sportif et c'est un trail. Voilà les filles, l'émission est terminée. Non, tu nous as pas dit qui c'est qui venait la semaine prochaine. Oui, oui, oui, oui, l'émission est terminée pour les invités. Oui, bien sûr. Merci de nous avoir. Expliquer un petit peu tout ce qu'étaient les huiles essentielles. Donc, l'air diffusion de cette émission, elle se fera vendredi 3 février à partir de 14h. Et mercredi prochain, nous recevons les Bazarettes. Voilà. Comme nous, nous sommes des Bazarettes, voilà. Ben, on sera quatre Bazarettes. Voilà, de 10h à 11h. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, oui, je crois qu'on va d'une notre demi-heure. D'une demi-heure. Hein, que ça dit, Claudie? On sera quatre Bazarettes. Ah oui. Et les hommes, c'est quoi? Je sais pas. Ça s'arrête, ça me dit.